Le premier écrit sonne plein des voyelles de Rimbaud. C'est le mot de la bouche d'un enfant qui naît. Mais c'est l'X ou l'Y, la souche même des mots. Ces lettres de noblesse lui donnent un destin de conquérant, de révolte. Et dans toutes les langues, on lui cache la fin, la soumission, une vie dévote. Une lettre de trop, et le mot perd son sens. Et même sans cet absurde, on doute de sa graphie. On oublierait presque que la vie précède l'essence. Écrire avec son sang, son rêve, sa vie. Mais rassure-moi, donne-moi les clés de ces vies. Celles que je démarre, qu'il est fini. Si je suis un arbre, ils en sont les fruits qui craignent les orages et cherchent un abri. Charbon, une fois, puis deux, et même trois. De notre écriture sombre, on retente ce don. Et donner autant que prendre, cette fois, je compose le monde avec notre alphabet. Des consonnes à ma porte pour vendre un dictionnaire. Si je suis dyslexique, qu'aura-t-on mélangé? Est-ce si mal que ça de perdre ses repères? Mais rassure-moi, donne-moi les clés de ces vies. Celles que je démarre, qu'il est fini. Si je suis un arbre, ils en sont les fruits qui craignent les orages et cherchent un abri. Le premier cri sonne plein des voyelles de Rimbaud. C'est le mot de la bouche d'un enfant qui naît. Mais c'est l'X ou l'Y, la souche même des mots. Calligraphier ses yeux, dessiner son prénom, choisir ses lettres, la rendre unique, les faire bon. Et cherche un abri. Et cherche un abri.